certains qui mettent beaucoup d'eau dans leur vin. Ça ne tourne pas la tête, mais parfois ça paie bien. J'aime mieux paumer ton fric que de baisser mon froc. Les combines exotiques, ça me donne la chair de coq. Même si j'en ai bavé, je suis pas un escargot. J'ai pas à supporter le monde sur mon dos. Il y a des gens très curieux qui traquent le Dahu. Oh, ils lui tirent sur la queue et tombent sur le cul. Même si j'y ai eu droit, j'ai pris de la cervelle.